bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans l'émission Forum Jeune, l'émission qui vous parle des sujets qui passionnent les jeunes. Et aujourd'hui, on va parler de l'autonomisation de la jeune fille burundaise. On le sait depuis quelque temps que la femme ou la fille burundaise se met à entreprendre des activités génératrices de revenus et ces activités lui permettent de tenir au cours de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes avec Muzungu Héritier qui vient de l'Association pour la promotion de la fille burundaise. Il est membre volontaire de cette association. Il va essayer de nous partager son parcours au sein de l'association. Bienvenue Muzungu Héritier. Je vous remercie. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana et à l'animation de cette émission, c'est Alida Ndaikeza. Et vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeune / Radio Isanganiro. Bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Muzungu Héritier, oui. Concrètement, quel est l'état actuel, quelle est la situation actuelle de l'autonomisation de la jeune fille burundaise? Bon, merci de la question. Je commencerai par dire que l'état de développement de la fille burundaise n'est pas comme il était avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des progrès que l'on remarque quand on est entre autres. Par exemple, on a des filles qui sont autonomes financièrement, qui peuvent travailler et qui peuvent aller sur le terrain et rivaliser avec les garçons et même les hommes. Et vous est-ce que cela n'était pas le cas dans les années passées? Oui, il y avait des filles, mais c'était beaucoup peu. C'était, on ne pouvait pas capitaliser ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de filles. On a beaucoup de filles qui peuvent être des leaders dans la communauté, qui peuvent être des chefs de projet, qui peuvent apporter quelque chose de nouveau dans notre société. Prenez l'exemple des filles qui vendent des produits à base des habits traditionnels, des fashion. Ça, ça montre que la fille burundaise aujourd'hui a des idées innovantes à partir de l'autonomisation, à partir des formations qu'elle reçoit, à partir des appuis techniques qu'elle reçoit de toutes parts. Est-ce que tu penses que cela est dû à quoi? Donc, faire ces activités régénératrices de revenus. Bon, concrètement, c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur que j'évoquerai, c'est que la fille burundaise a besoin de son développement. Elle veut être indépendante. Elle veut travailler pour son compte sans toutefois attendre que ses besoins seront pourvus par un garçon ou par son mari ou par son père toujours. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de père, il y a des filles qui ne peuvent plus vivre aux dépens des autres. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur que j'évoquerai, c'est les efforts qui sont fournis par le gouvernement et par les ONG locales et internationales et des associations comme la nôtre. Nous, par exemple, on intervient dans plusieurs domaines, dont l'entrepreneuriat, il y a aussi les droits humains où on conscientise la jeune fille à prendre en main sa propre vie. En entrepreneuriat, on accompagne la jeune fille par des soutiens techniques, mais si aussi il y a des projets qui peuvent accompagner la jeune fille dans ses propres idées, on est là pour la soutenir et l'accompagner. À considérer le premier facteur. Oui. Vous avez dit que la jeune fille burundaise essaie de chercher quelque chose qui pourrait l'aider à vivre, peut-être à survivre. Est-ce que cela ne serait pas un choc culturel? Parce qu'on le sait que la jeune fille, c'est quelqu'un qui, la jeune fille burundaise, c'est quelqu'un qui devait rester à la maison, attendre que son père ou son frère travaille et amène quelque chose à la maison. Est-ce que ce changement que vous êtes en train de dénoncer n'est pas un peu contraire à la culture burundaise? Je crois que non. Parce que la culture burundaise, elle n'est pas là pour discriminer la fille. C'est ce que je me dis. Et c'est ce que tout le monde peut se dire. Parce que la culture burundaise, elle prône les valeurs positives. Il y a l'égalité, il y a la solidarité. Vous savez, à base de la culture burundaise, il y avait ce qu'on appelait imigigwa. Kubana hafi, kwitanaho. Non, je ne crois pas que la culture burundaise puisse discriminer la fille. Parce que Ce qui discrimine la fille, ce sont les interprétations que nous donnons à la culture, à la tradition. Parce que il y a toujours notre société qui est patriarcale, où au centre de tout, il y a le garçon et le sexe masculin. Où il y a les postes de responsabilité sont confiés à l'homme pour qu'il puisse prendre des décisions lui seul. Est-ce que les garçons ne se sentent pas un peu envahis dans leur univers? Parce qu'on le sait que c'est eux qui doivent chercher de quoi manger. Bon, je ne crois pas qu'ils se sentent envahis parce que d'une manière ou d'une autre, mm-hmm. la fille va contribuer au développement à son propre développement tout d'abord, mais aussi au développement de la famille mm-hmm. et aussi si j'essaie de faire un raisonnement analogique, mm-hmm. elle va contribuer au développement du pays parce mm-hmm. que en termes de rendement, si la fille a des propres idées qui sont innovatrices, mm-hmm. elle permet de créer de l'emploi. Mm-hmm. Et cet emploi qui va profiter à qui ? À moi, mm-hmm. à mon petit frère, à mon grand frère. Mm-hmm. Et donc, si aujourd'hui la fille intervient beaucoup plus sur le terrain de l'entrepreneuriat ou sur le terrain de la mise au point des activités génératrices de revenus, ça ne peut pas contribuer non seulement à la fille, ça contribue à nous tous. Mm-hmm. Oui. Donc, on comprend qu'il y a vraiment de l'évolution de la part de la fille pour commencer avec les activités qui peuvent générer quelque chose. Oui. Mais quand même, sur le terrain, c'est pas un terrain qui est neuf, hein. C'est un terrain où il y a beaucoup d'obstacles. Oui. Quels sont les obstacles que vous avez déjà entendu parler par les filles quand il est question de faire l'autonomisation? Vous savez, on aime dire que même si vous voyez la lune, il y a aussi sa face cachée. Mm-hmm. Si on dit la face cachée, c'est les réalités qui sont vraiment sur le terrain. Mm-hmm. Ici à Bujumbura, ce n'est pas la même chose qu'à l'intérieur du pays. Mm-hmm. À l'intérieur du pays, il y a ses parents, il y a aussi ces personnes qui ne peuvent pas comprendre l'intérêt d'accompagner une fille dans son épanouissement. Mm-hmm. Ça, c'est le premier obstacle. Mm-hmm. Il y a des parents qui peuvent dire ma fille ne va pas à l'école parce que je n'ai pas de moyens. Alors, de quel droit avez-vous pour décider que c'est la fille qui ne va pas à l'école mm-hmm. alors que vous avez et des garçons et des filles mm-hmm. Ça, c'est le premier obstacle. Mm-hmm. Donc, les parents ne comprennent pas la valeur ajoutée qui peut venir de l'investissement dans la fille burundaise. Mm-hmm. Ça, c'est mm-hmm. le premier. Il y a aussi l'autre réalité, c'est mm-hmm. que aussi la fille manque d'estime de soi. Mm-hmm. Beaucoup de filles ne peuvent pas prendre l'initiative, je dirais, ne mm-hmm. peuvent pas se dire, moi aussi j'ai quelque chose de nouveau que je peux apporter. Et cela n'est pas lié à la culture, parce oui, que c'est lié à la culture. J'allais y arriver mm-hmm. pour dire que il y a beaucoup de imigani mm-hmm. qui montrent que la fille doit être relégué en seconde zone. Mm-hmm. Elle doit rester à la maison. Mm-hmm. Elle doit accomplir des travaux ménagers. Elle doit préparer le repas. Elle doit balayer la maison. Mm-hmm. Et c'est tout. Mm-hmm. Donc, si il y a, à l'intérieur du pays, il y a toujours cette tradition, cette manière de penser. C'est parce que, sur le terrain, il y a des coins dans lesquels on ne peut pas atteindre parce que nous manquons de moyens suffisants pour pouvoir accomplir nos projets sur tout le terrain burundais. Mm-hmm. C'est ça. Ben, mais quand même, vous identifiez les espaces sur lesquels vous allez travailler. Oui. Hein? Mm-hmm. Si nous identifions des espaces, on voudrait travailler sur tout le Burundi, mais quand il est question de prioriser, on doit toujours commencer par là où il y a le problème le mm-hmm. plus le plus fréquent et le plus il y a aussi pour la fille un problème qui est visible réellement. Mm-hmm. Donc si je vous donne un exemple, il y a des projets dans lesquels nous intervenons sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre mm-hmm. parce qu'on a remarqué que la fille, si elle est victime des violences, elle ne mm-hmm. peut pas continuer les études. Mm-hmm. Elle va abandonner, elle va mm-hmm. mettre au monde une fille ou un petit garçon et elle va rester à la maison pour s'occuper d'elle et pour aussi chercher de la nourriture pour vivre. Mm-hmm. Ça, c'est un premier facteur. Mm-hmm. Là aussi, on intervient dans des provinces où il y a beaucoup de statistiques qui montrent que la fille burundaise est victime des violences sexuelles basées sur le genre. Mm-hmm. Mais cette activité que nous menons est accompagnée aussi des activités qui peuvent aider les filles en les mettant ensemble dans des groupements de solidarité où ils mettent sur pied des activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins les plus intimes, je dirais. Par exemple, une serviette hygiénique, parce que ce sont ces petits besoins que les filles ont qui peuvent les conduire à faire ce qu'elles n'auraient pas pu faire mm-hmm. si les conditions n'étaient pas ce qu'elles étaient. Mm-hmm. Oui. Parler autonomisation, oui. C'est également parler argent. Oui. Quand on parle de l'argent, est-ce que ces filles ou les filles burundaises, oui. est-ce qu'ils ne connaissent pas des problèmes liés aux finances? Parce qu'il doit y avoir un capital pour commencer l'autonomisation. Est-ce que l'handicap financier n'est pas dénoté, vous ne le voyez pas sur terrain? L'handicap financier, c'est l'un des problèmes majeurs. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement pour les filles, c'est pour toute personne qui désire entreprendre une activité génératrice de revenus. Parce que on est confronté à un manque d'argent qui peut suffire à pouvoir combler des vides dans notre projet, par exemple. Alors, pour la fille aussi, c'est problématique. Mm-hmm. Mais ce que nous faisons, c'est on les encourage à aller dans des groupements de solidarité. Vous savez, le concept Nawenuze ou Silk, où on met les filles ensemble en groupe de 20 et on leur demande de mettre au point un petit projet, pas un projet grandiose. Quand on entend entrepreneuriat, on se dit que c'est un projet de 10 milliards ou d'une somme très, très, très grandiose. Mais il faut commencer par de petits projets, par de petites activités, comme commercialiser du savon, commercialiser des stylos ou entreprendre une activité comme l'agriculture des haricots, où ils vont mettre de l'argent de côté pour pouvoir économiser et augmenter le capital au fur et à mesure. C'est ça le problème que nous avons. Nous devons tout d'abord commencer par les conscientiser que un projet ne nécessite pas beaucoup d'argent. C'est ça le problème. Quand on n'a pas le capital pour commencer, et on peut faire recours au crédit. Oui. Est-ce que c'est facile pour les jeunes filles burundaises d'avoir ces crédits alors qu'ils n'ont pas des hypothèques à donner aux banques ou aux microfinances? C'est ça le problème aussi. La fille burundaise n'a pas accès aux services qui sont offerts par les banques ou les microfinances, en l'occurrence le crédit, parce que le banquier, lui, il veut de l'argent. Il raisonne en termes d'intérêt. Et si tu te diriges devant lui et tu lui demandes de l'argent, il va te demander qu'est-ce que tu m'apportes de nouveau ou qu'est-ce que tu vas me donner en retour, parce que moi, je vends de l'argent. Alors, la fille burundaise, le problème qu'elle a, c'est les banquiers n'ont pas confiance en la fille burundaise. Ce que nous proposons à elle, c'est tout d'abord de se mettre en groupe. Je reviens toujours sur le groupement de solidarité. Parce que sur le groupement de solidarité, les services de microfinance ont un peu de confiance sur les personnes parce qu'ils ont un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est nous, c'est l'association qui va faire des... Donc vous êtes genre des avaliseurs. Avaliser. On va parler pour les filles et on va les aider et les accompagner dans leurs petits projets. Je demande une transition et on va revenir dans le studio de la radio Isanganiro. It's a brotherhood thing. La la la la la la la la la la la la la la la la la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Amarula. Vous écoutez l'émission Forum Jeune et aujourd'hui on est en train de parler de l'autonomisation de la jeune fille burundaise. Et dans nos studios, nous sommes avec Muzungu Héritier, membre volontaire de l'association pour la promotion de la jeune fille burundaise. Héritier, quand on parle de l'autonomisation, est-ce qu'il n'y a pas de risque que la jeune fille qui devient autonome oublie la place qu'elle occupe dans la société? Vous savez, il y a 18 ans, quand notre association naissait, il y avait un problème très grave qui concernait l'autonomisation de la fille. Pas l'autonomisation en matière économique, mais l'épanouissement de la fille sur le plan global du développement du pays. Donc, en matière intellectuelle, en matière d'éducation, parce qu'elle était reléguée en seconde zone. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que ce qui a été fait, c'est quelque chose de bien meilleur qu'avant. Aujourd'hui, on a des filles qui sont vraiment épanouies. On a des filles qui peuvent parler pour les garçons, qui peuvent donner une idée et dire waouh, c'est très génial. Comme on dit, chaque progrès s'accompagne des conséquences. Il y a des conséquences qui peuvent survenir. Mais ce que je dis de plus bien dans l'autonomisation de la fille, c'est que la fille nous a montré qu'elle peut accomplir beaucoup de choses, les mêmes choses qu'un garçon. Ce qui, je dirais comme conséquence en ce qui concerne l'autonomisation de la fille, c'est que ce n'est pas à toutes les filles que ça arrive. Il est vrai, il y a des débordements où on peut remarquer des filles qui ont dérapé parce que elles se disent qu'elles sont autonomes, elles ont été autonomisées ou alors elles sont, on aime dire, I am empowered. Mm-hmm. Je suis, c'est au-dessus de l'indépendance, mm-hmm. si je peux le dire. Mm-hmm. De là, la fille va se dire qu'elle est quelque chose de plus valeureuse que les autres dans la société. Mm-hmm. Mais ce n'est pas à toutes les filles. C'est, on dit, mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que la jeune fille burundaise n'oublie pas sa place dans la société. Mm-hmm. Ce qu'elle veut, c'est que sa place soit confortée et mm-hmm. qu'elle soit reconnue par toute la population, par mm-hmm. les garçons, par les parents et par le sexe masculin. Il faut que l'on reconnaisse que la fille a quelque chose de constructif qu'elle peut amener dans la société. Il y a des jeunes filles, oui. Certaines jeunes filles qui peuvent oublier leur place. Oui. Quel comportement doit adopter une fille qui est autonome pour qu'elle ne soit pas taxée de vouloir dépasser les limites de la nature? Oui. Le comportement que peut adopter une fille qui est autonome, c'est tout d'abord travailler pour son pays. Mm-hmm. Ça doit être quelque chose qui nous anime nous tous. Mm-hmm. Elle doit être aussi respectueuse envers tout d'abord ses parents et mm-hmm. envers les autres. Parce que si vous avez entendu les histoires de M23, mm-hmm. les généraux, mm-hmm. Donc il faut pas que la fille se dise que elle est devenue plus forte. Mm-hmm. Cette sensation de force, il est vrai, elle est devenue forte, mais pas au point de... Dans le sens négatif. Pas dans le sens négatif. Mm-hmm. Il faut que cette force soit constructive. Il faut mm-hmm. qu'elle ne soit pas destructive. Donc, il faut que cette fille soit un leader. Mm-hmm. Il faut qu'elle dirige. Si elle veut diriger, si elle veut de la place pour diriger, alors il faut qu'elle fasse ses preuves et qu'elle montre qu'elle peut faire quelque chose de bien meilleur que ce qu'elle était, que la manière dont elle était considérée auparavant. Mm-hmm. Oui. Et comment les garçons et les jeunes hommes ou les hommes en général oui. doivent se comporter devant ces jeunes filles que nous qualifions d'autonomes? Je voudrais partager une petite expérience mm-hmm. parce que bon, je suis dans l'association avec les filles qui sont autonomes. Justement, oui, tu es dans une association de filles d'abord. Qui sont autonomes, oui. Mm-hmm. On aime me surnommer jeune fille parce que mm-hmm. Je suis dans l'association, je suis parmi les premiers garçons. Ou le seul. Non, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, mais je suis parmi les premiers. Mm-hmm. Ce que je voudrais dire, le comportement que nous devrions adopter devant ou avec les filles qui sont autonomes, c'est les accompagner, mm-hmm. tout d'abord. Il faut que cette fille qui est autonome remarque qu'il y a une personne qui est à côté d'elle, mm-hmm. qui la soutient, mm-hmm. qui amène aussi des idées constructives pour pouvoir travailler ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est le premier comportement. Le mm-hmm. second comportement, c'est le respect. Parce mm-hmm. que moi, je respecte des filles qui sont autonomes. Mm-hmm. Ce sont des filles qui sont braves, mm-hmm. qui montrent qu'elles sont capables de faire quelque chose et qui vous amène des idées, vous vous dites, cette fille, c'est mm-hmm. génial. Mais quand même, il y a des hommes qui aiment dire que les filles autonomes sont difficiles à convoiter ou à... Oui, à approcher, oui. Oui. Effectivement, mm-hmm. Ça, ce sont des préjugés. Vous mm-hmm. savez, quand on vous met un autocollant sur le dos, mm-hmm. on y écrit un défaut. Mm-hmm. Toi, tu ne peux pas le voir, mm-hmm. mais les autres peuvent le voir. Mm-hmm. Donc, si... Il y a une personne qui se dit que les filles autonomes sont des filles très difficiles à aborder. Je leur dirais que ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Non, ce sont des filles qui sont ouvertes, mm-hmm. qui sont constructives, mm-hmm. qui sont cool. Mm-hmm. Oui. Et quel message pourriez-vous lancer? Parce qu'au début, vous aviez dit que la famille peut être un handicap au développement, à l'épanouissement de la jeune fille qui voudrait bien être autonome. Quel message pourriez-vous lancer à l'endroit de ces familles qui ont des filles avec ce potentiel? Le message que je voudrais adresser à ces familles-là, c'est un message suivant. Mm-hmm. Il faut que ces parents soient tout près de leur fille. Mm-hmm. Parce que la fille ne peut pas devenir quelque chose de grand sans le soutien de sa famille. Mm-hmm. Imaginez-vous quand vous avez une idée que vous jugez très géniale, vous allez la soumettre à votre papa ou à votre maman mm-hmm. et il vous dit, allez, C'est bête votre idée. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que de nouveau tu peux avoir dans la société si votre papa ou votre maman ne vous soutient pas? Mm-hmm. Alors, le soutien, c'est la première contribution que je leur demanderai. Mm-hmm. L'autre soutien, c'est être tout près de leurs enfants, les conseiller. Parce que il n'y a pas une personne qui ne peut pas être conseillée. Parce que on dit que seuls les imbéciles ne peuvent pas changer. Mm-hmm. Et des filles qui sont autonomes, elles ont besoin de conseils. Mm-hmm. Elles ont besoin d'un accompagnement, tant intellectuel, technique et financier aussi. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Parler de l'autonomisation ou être autonome, ça renvoie à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Oui. Et pour les filles qui voudraient bien commencer à être autonomes, comment ils devraient travailler pour exécuter ces activités? La première étape, c'est l'éducation. Mm-hmm. Une personne qui n'est pas éduquée, bon, je vais dire intellectuellement, oui, l'instruction, mm-hmm. le niveau mm-hmm. d'instruction. Mm-hmm. Tu ne peux pas rivaliser avec d'autres personnes parce mm-hmm. que tu n'as pas la capacité de pouvoir te mettre sur la table avec les autres personnes qui sont instruites. Parce que mm-hmm. les idées viennent au contact avec les autres personnes. Mm-hmm. Et si tu n'as pas été instruite, tu ne peux pas prétendre à la perfection ou à pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. Mm-hmm. La deuxième chose que je leur recommanderais, c'est d'aller dans des associations de promotion de la fille. Mm-hmm. Ça, c'est APFB la promotion. Oui, je fais la promotion. Non, c'est pas APFB seulement. C'est pour ton église. Je fais la promotion de mon association. Mm-hmm. Et aussi, faire des groupements. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas accomplir quelque chose de grandiose si tu es seul. Parce que on dit en Kirundi, l'union fait la force en français. Mm-hmm. Donc, si elles ne sont pas ensemble dans des groupements pour mettre quelque chose de côté, pour pouvoir épargner un peu d'argent et à entreprendre quelque chose, elles ne pourront rien faire. Mm-hmm. Elles ne pourront rien faire. Tu as beau être intelligente, tu as beau être une fille qui innove, mais si tu ne peux pas avoir des idées d'autres personnes, tu n'arriveras à rien. Mm-hmm. Oui. Tu peux continuer, c'est pas grave. L'autre chose, c'est que la fille, il y a beaucoup de filles qui se disent que amashuri yumukobwa ngo numukabo en Kirundi. Il faut que la fille arrête de penser de cette sorte. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, avec la mondialisation, tout le monde est focalisé sur l'avenir. Mm-hmm. On veut travailler. On veut arriver à quelque chose de plus meilleur qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Si alors la fille se dit que toute sa vie, c'est celle de son mari, mm-hmm. elle se trompe beaucoup. Mm-hmm. Au début, tu parlais du niveau d'instruction que les filles doivent s'instruire. Mm-hmm. Mais on a déjà remarqué qu'il y a des filles qui ont émergé sans avoir été à l'école. Oui. Par exemple, surtout en province. Question communautaire. On a vu qu'il y a des filles qui ont émergé. Oui. Est-ce que c'est une question de chance ou... Ce n'est pas une question de chance. Mm-hmm. C'est aussi question d'un accompagnement sur lequel je mets beaucoup d'accent. Parce que c'est des filles qui sont autonomes à l'intérieur du pays. Ce sont des filles qui ont adhéré à des associations. Mm-hmm. Elles ont bénéficié d'un soutien, surtout technique. Surtout techniques, elles ont des informations en ce qui concerne la mise au point des petites activités génératrices de revenus. Elles ont été accompagnées et elles ont reçu un soutien de leur famille ou des associations. Alors, aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur le marché de l'emploi si tu n'as pas de diplôme. Mm-hmm. Si tu ne peux pas aussi aller rivaliser avec les autres personnes si tu ne connais pas le français, tu ne connais pas l'anglais, tu ne connais pas le swahili un peu. Tu ne peux pas, il faut que la fille soit beaucoup plus fluide. Parce que aujourd'hui les frontières sont beaucoup plus minces et sont aussi quasi inexistantes. Si tu veux aller entreprendre en Tanzanie, comment est-ce que tu t'y prendrais? Si tu allais au Rwanda ou ailleurs, comment est-ce que tu vas faire si tu n'as pas un niveau d'instruction qui peut acceptable. Mm-hmm. Oui. Et quelle est la place des institutions financières qui pourraient soutenir la jeune fille? Oui. La place des institutions de microfinance ou des institutions financières est très importante. Mm-hmm. Parce que les banques ont beau mettre au centre de leur intérêt de l'argent, mais cet argent, si le développement n'est pas inclusif, on ne peut pas prétendre à des rapports financiers qui sont beaucoup plus inclusifs aussi. Parce que si vous regardez les mamans qui vendent des fruits dans les rues, vous voyez que ce sont elles contribuent au développement du pays et paient de l'impôt, par exemple. Si aussi les banques mettaient au centre de leurs intérêts l'autonomisation de la fille en acceptant d'accorder de petits crédits et un accompagnement aussi intellectuel dans ce qui concerne la mise au point des projets financiers, ce serait aussi un atout pour eux. Parce qu'ils vont récupérer beaucoup plus de filles en ce qui concerne les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, le sexe féminin est majoritaire au Burundi avec 50,8%. Muzungu Héritier, merci d'avoir répondu à cette invitation. Oui, je vous remercie. Je rappelle à tous les auditeurs que vous étiez en train de suivre l'émission Forum Jeune et on était en train de parler de l'autonomisation de la jeune fille burundaise. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook Forum Jeune / Radio Isanganiro. L'animation de cette émission, c'était avec Alida Ndaikeza et la mise en onde Eric Ouimana. À la prochaine.